2 heures après, au moment où le baron achevait d'endoctriner Claude Vignon, qu'il voulait envoyer au ministère de la Justice prendre des renseignements sur les autorités judiciaires dans la circonscription desquelles se trouvait Johann Fischer, Rennes ouvrit le cabinet de monsieur le directeur et vint lui remettre une petite lettre en demandant la réponse. « Envoyer Rennes ?» se dit le baron. « Valérie est folle, elle nous compromet tous et compromet la nomination de cet abominable Marneff. » Il congédia le secrétaire particulier du ministre et lut ce qui suit. « Ah, mon ami, quelle scène je viens de subir! Si tu m'as donné le bonheur depuis 3 ans, je l'ai bien payé. Il est rentré de son bureau dans un état de fureur à faire frissonner. Je le connaissais bien laid, je l'ai vu monstrueux. Ses 4 véritables dents tremblaient et il m'a menacé de son odieuse compagnie si je continuais à te recevoir. Mon pauvre chat, hélas, notre porte sera fermée pour toi désormais. Tu vois mes larmes, elles tombent sur mon papier, elles le trempent. Pourras-tu me lire, mon cher Hector? Ah, ne plus te voir, renoncer à toi, quand j'ai en moi un peu de ta vie, comme je crois avoir ton cœur, c'est à en mourir. Songe à notre petit Hector. Ne m'abandonne pas, mais ne te déshonore pas pour Marneff. Ne cède pas à ses menaces.